l'homme où ça pour toujours. Pouchi, bon Dieu, pas veillez nous. Mais nous séparer, notre fragile. J'ai pas veillé nous, faut nous espérer.